بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 58 لسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تمام، دونك aujourd'hui on va commencer dans باب التيمم. Bab al-tayammum, ce qu'ils appellent en français les ablutions sèches, c'est-à-dire celles qui se font sans eau. Comment se font-elles? Pourquoi s'utilisent-elles? En quelles circonstances? Tout cela va être expliqué, inshallah, dans ce chapitre. Biznillah ta'ala. Tayyib. Qala babu al-tayammum. Awalan. Qala. Déjà, le shir, il a fait un ta'liq, il a dit que si jamais il avait mis ce chapitre à la suite du chapitre du comportement lors de l'accomplissement des besoins naturels, ça aurait été plus approprié que derrière le rossi. Que tayammum, il aurait été mieux placé s'il avait été mis après le comportement de l'accomplissement des besoins. Voilà ce qu'il avait dit. Non. فقال تعريفه sa définition. Littéralement parlant, التيمم معنى القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. Donc là le قصد, c'est là-bas, c'est comme un objectif, c'est la chose que tu veux, la chose que tu vises, la chose que tu recherches. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit et ne vous tournez pas vers ceux qui est vil, malsain, on va dire khabith, pour en faire dépense alors que vous-même n'en voudriez pas. Donc là, voilà, tayammamu, ne vous tournez pas vers quelque chose, ne recherchez pas quelque chose, ne désirez pas quelque chose, dans le sens. C'est je veux dire telle chose, je vise telle chose. Donc ça, c'est le mana littéraire. Quel sens littéraire? Wa shar'an, dans la législation, c'est wa qasd as-sa'idi at-tayyib li masah al-wajh wa al-yadayn bi niyyati at-tatahhur lis-salat wa nahwiha. Il a cité la référence des définitions qu'il a pris dans le majmour de Nawawi, dans le Mughni de Muqaddama et dans Ahkam al-Tayammum. Je crois que c'est celui de Shah Yahya, celui-là. Donc c'est quoi? C'est le fait de vouloir qasd, de vouloir la terre pure pour s'en essuyer le visage et les deux mains avec une intention de purification pour la salate et autres. Naam. Après, il dit que cela est légiféré par le kitab, la sunna et l'ijma. Le tayammum, c'est une chose légiférée basée sur le Coran, la sunna et sur le consensus. Le dalil du Coran, c'est qawluhu ta'ala wa lam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites vos ablutions sèches à foine avec de la terre pure, essuyez vos visages ainsi que vos mains avec cette terre. Quant à la sunna, il y a beaucoup d'ahadith qui vont citer Inch'Allah dans ce livre. Et quant à l'ijma, il dit أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. Que la communauté est unanime quant au fait de, quant à la permission de tayammum dans son ensemble. Par contre, il y a des khilaf dans les branches. De quelle façon faire, comment le faire. Amal le os du tayammum, d'accord, c'est une chose sur laquelle il y a unanimité. Tayyib. فبدأ بالحديث المية العشرين بعد المية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي نصرت برعب مسيرة شهر وجورت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وكذلك في حديث حذيفة الحديث الواحد وعشرين بعد المئة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا. Donc dans le 120e hadith selon Jabir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il m'a été accordé 5 choses qu'aucun autre n'a eu avant moi, c'est-à-dire parmi les prophètes, parmi les choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Il dit j'étais sauvé, secouru par la peur dans le cœur de mes ennemis, ne serait-ce qu'une distance d'un mois, c'est-à-dire il y a un mois entre moi et mes ennemis, ils ont peur de moi. Ça, c'est un secours qu'Allah a accordé, que ses ennemis ont peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose qu'on a bien retrouvé aujourd'hui. À cette époque, dans la Oumma, cependant, ça a été perdu. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé notre religion dans notre ensemble. On dit délaissé dans le sens que on n'est pas assez accroché à la religion. On s'est mis à la dunya, on est devenu faible, beaucoup de péchés, beaucoup d'ignorance, ce qui fait que nos ennemis n'ont plus peur de nous comme avant. Comme tu constates aujourd'hui avec tout ce qu'ils font comme fait. Que la terre m'a été rendue comme lieu de salat. Toute la terre. C'est-à-dire qu'avant, les communautés, avant, devaient faire salat dans des lieux spécifiques. Synagogue ou église ou autre comme ça. Nous, les musulmans, partout. Tant qu'il n'y a pas de najasa et qu'il n'y a pas un hadith spécifique comme par exemple dans l'enclos des chameaux, mathalan, ou les lieux de najasa, quand même, ou dans les cimetières, des lieux spécifiques, ils sont peu, à la base, on peut faire salat partout. Quand même, partout. Donc il dit... Quel que soit l'homme dont l'heure de la salat le rattrape, alors qu'il fasse salat. Où qu'il soit. C'est l'heure de la salat, il fait salat. Il est dans le désert, c'est l'heure de la salat, il fait salat. Quand même. Il est à l'endroit, dans les montagnes, c'est l'heure de la salat, il fait salat. Maintenant, il y a un masjid, il fait dans le masjid, c'est sûr, avec la jama'a. Maintenant, il n'y a pas de masjid à proximité, il est en jama'a, il fait en jama'a. Il est tout seul, il fait tout seul. Vous savez, cela n'est pas lié à un lieu spécifique. Hormis en présence d'un masjid avec une jama'a. Non. Taïeb. Après, donc c'est quoi le shahid? Ah ouais, j'ai oublié la partie. Que la terre lui a été rendue un lieu d'adoration, ou qu'il soit, et également le sol, la terre, lui a été rendue comme moyen de purification. Tahour. C'est-à-dire, tayammum. Avec la terre, faire tayammum. Chose qui n'était pas présente dans les communautés antérieures. Ils avaient la salat, ils avaient les 5 piliers qu'on a pris, mais le tayammum, ils ne l'avaient pas. Donc ça, c'est un tarfif sur la communauté de l'islam. C'est un amoindrissement sur nous. Bifadlillahi ta'ala. Dans le 121e hadith, selon Hudhayfa, radiallahu anhu, chez Muslim, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa terre nous a été rendue, c'est-à-dire le sol, la terre, nous a été rendue comme un moyen de purification si on ne trouve pas d'eau. Et dans le 122e hadith, selon Ali, rapporté par Ahmed, le hadith, lui, le dernier là, rapporté par Ahmed, il est faible en soi, mais c'est Shahru Wahid. Comme tu vois le sens, qu'on reçoit tout le reste. Il dit que la terre m'a été rendue comme moyen de purification. Bon, comme si le hadith en soi, son salad, il est faible, le sens, il est vrai. Appuyé par un bien grand nombre de hadillah. Donc il dit al masail wal ahkam al mustafalah min al hadith min al ahadith bal mas'alah at tayammum fi al safar. Donc le tayammum, c'est le masdar du fi'l tayammama à la waz tafa'ala, et le masdar c'est tafa'ul, donc tayammam tayammum. Tu dis a tayammam, je fais les habits sont sages comme ils disent. Ama tayammum, c'est l'action, c'est le masdar. Même c'est le masdar. Comme salat, c'est le masdar de salay ou salli. Tayammum, masdar, salat. Mais normalement, si on avait suivi les bases, les règles conformes aux règles du sarf, ça aurait été quoi le masdar de salay ou salli? En vrai. En faisant sur les règles qu'on a appris du sarf, ça aurait été quoi ce masdar? Salay ou salli. À la wazn, c'est quoi comme mesure? Tasliya. Ça aurait été tasliya. À la wazn, taf'il. Fahimt? Taf'ila. Ce qui vient à la wazn, fa'ala. Son mazdar, c'est taf'il. c'est quand il y a un harf, il y a un fil le mortel akhir, il y a un harf illa à la fin, tu mets un thème rebouton, soit t'es taf'ila. Et quand un masdar il vient sur autre que le wazn de son verbe, on appelle ça aussi un ism masdar. On appelle ça également, on va le prendre inchallah dans Fatal Wudud, ism masdar. Taïm. Donc il dit, at-tayammum fi safar. Le fait de faire tayammum en voyage. Donc il dit qu'il y a une unanimité des savants sur que cela est légiféré. Dans son ensemble. Et on a dit c'est où le khilaf dans les branches, comme cela va venir. Et cet ijma, il a rapporté de dans le tafsir de Qurtubi. Mas'alatun. At-tayammum fil hadar. Tayammum en tant que résident, celui qui n'est pas voyageur. Que la plupart des savants, c'est des fonds du jumhur al-ilm. Des fois, il suffit que tu aies une mas'ala, par exemple, et qu'un seul ne soit pas entré dans l'unanimité des autres savants. Un seul savant. Un exemple, par exemple, tu as 100 savants. 99 sont d'accord et un n'est pas d'accord. Parmi ceux qui sont considérés, bien entendu, les mujtahidoun de la Ummah. Même. Et bien, ces 99, on les appelle jumhur. Jumhur, ce n'est pas forcément juste le plus. C'est tous ceux, le plus grand nombre, face aux opposants. Et des fois, c'est un seul. Parce que des fois, les gens disent jumhur, ils pensent que la plupart des savants, mais c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres qui ne sont peut-être pas d'accord. Des fois, il y en a un seul qui n'est pas d'accord. Et bien, ceux qui sont d'accord entre eux face à ce savant-là, on les appelle les jumhur. Même, même si c'est un grand nombre. Il y en a un seul, jumhur. Et maintenant, s'ils sont 100, on va dire, et 51 sont d'accord et 49 ne sont pas d'accord. Et bien les 51, on appelle les jumhur. Quand même ? Alors ? Des exemples, hein. Maintenant, c'est pas la démocratie, c'est pas des élections. C'est juste, voilà. C'est pour donner un exemple. Donc là, le tayammum, en tant que résident, la plupart des savants, les jumhur, ils voient que cela est légiféré. C'est basé sur la preuve. Sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la généralité qui englobe sa parole, At-tayammum wudu'ul muslimi. Ça vient dans le hadith de Abu Huraira. Madame Yajima wudu'ul ashasinin. Que le tayammum, c'est l'eau pour le musulman s'il ne trouve pas l'eau, même sur une durée de 10 ans. Le hadith, il va venir, inshallah. Également, la parole qu'on a citée là dans les hadiths, Wajwilat li al-ardu masjida wa tahura. Que la terre m'a été rendue comme lieu d'adoration et comme moyen de purification. Donc il voit que tu sois en résident ou pas, c'est un hadith de façon générale, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Tu veux t'aimer beaucoup que tu sois. Et Abu Hanifa et d'autres, justement celui qui fait, parmi d'autres, qui fait partie de ceux qui s'opposent à ce qawl, cet avis, il voit que c'est juste pour le voyage. Ah, mais la raison n'est pas de t'aimer. Mais c'est quoi son dalil? Aou ala safarin. On lit ta'ala. Taïeb, dans le verset. Aou ala safarin. Si vous êtes en voyage. Donc les jumhur, comment ils ont répondu à ça? Ils disent, ala safarin, ça c'est beb. Comme ils disent, makhraj al-gharib. C'est-à-dire, c'est parce que ce qui est peu fréquent de ne pas trouver d'eau, c'est parce qu'on est en voyage. Donc l'exemple a été donné là pour dire, dans ce cas qui est le plus fréquent. Mais il n'exclut pas les autres. Juste cet exemple-là, il est arrivé, pourquoi ? Parce que souvent, tu ne trouves pas d'eau, quand tu es en voyage. Mais si tu es résident, que tu ne trouves pas d'eau, c'est le même jugement. Donc il dit, par contre, s'il fait tayammum, mathalan, qui fait sa salat, et que par la suite, il trouve de l'eau, quand même, dans le temps, l'heure est toujours... il y a toujours l'heure de la salat, qui n'a pas recommencé la salat, à la qawl sahih, en vrai. Il y a un khilaf, ça va venir également. Pourquoi ? Car il a fait salat avec une purification complète. Et ça vient de khilaf par rapport au tayammum, est-ce que c'est complet ou est-ce que c'est juste une permission ou un cadre. Ça c'est la parole de Malik et d'autres ulama, parmi eux Ahmed, dans une version. Contrairement à Shafi'i. Shafi'i ne voit pas ça, lui. Car eux, ils voient, Shafi'i également, une autre version de Ahmed, qui a la deux calls, ils voient qu'il recommence sa salat. Ça, ça va venir plus tard. مسألة هل التيمم رافع للحدث أو أم مبيح لما Tajubbu lahu tahara faqat. Donc ils disent la question là, est-ce que le tayammum est une chose qui ôte le hadath, la souillure, ou alors juste une chose qui te permet d'accomplir ton adoration? Une permission. Mais la souillure est toujours là. Tamam? Une chose qui fait office de purification, en guise de secours. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. En fait, tu n'es pas purifié. C'est juste, le tayammum te rend permis. Mais tu es toujours, c'est par exemple, ou t'es junoub, ou t'es muhdith, l'un ou l'autre. Donc là, c'est la question. Donc là, les jumhur, qu'est-ce qu'ils disent? Que le tayammum n'enlève pas la souillure. Juste te permet. Il te rend, il y en a permis de faire la salat ou les adorations qui ont besoin d'une purification. Et ainsi de suite. Ça, c'est le mazhab de Ahmed, dans ce qui est connu de lui, et Malik et d'autres. Et Shafi'i et d'autres. Mais ça contredit ce qu'on a pris tout à l'heure. Que Malik, bon, c'est une tahara kamila. Peut-être qu'il a plusieurs calls également. Non. Non. Et c'est quoi leur preuve? C'est le hadith d'Abu Huraira et de Abu Dhar, qui vont, le hadith va venir également. As-sa'idu wudu al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه لمسه بشرته. Donc il dit que la terre, c'est l'eau d'eau du musulman s'il ne trouve pas l'eau, même durant 10 ans. Et s'il trouve l'eau, alors qu'il craigne Allah et qu'il le mette sans mouille. Qu'il se serve de l'eau pour faire de l'eau d'eau, quoi. Et également, que c'est quoi alors parmi les preuves? Qu'il y a ijmar, que si jamais il y a de l'eau, le tayammum n'est pas valable. On va faire tayammum si tu as de l'eau. À part si t'es malade et blessé. Mais quelqu'un qui est d'ailleurs en bonne santé, t'as pas de problème. S'il y a de l'eau, il y a de la terre, et qu'il fait un moum, il n'est pas purifié. Donc ils disent, c'est pas purifié là, il n'est pas de la non plus. Juste là, c'est une permission. Et Ibn Abdul Bar, dans l'Istifkar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les savants sont unanimes, que le tayammum n'enlève pas la souillure si l'eau est présente. Il voit que par contre, si jamais il a fait un moum et qu'après il trouve l'eau, il recommence sa purification. C'est les junouban, les junoub, pasalen ou mouhdith. Ça c'est vrai. Quand même, ça c'est vrai. Tu as fait un moum, mathalen, et tu as fait un moum pour voir, mathalen. Le as, il arrive, tu as trouvé de l'eau. Est-ce que tu. Et t'as pas été aux toilettes entre temps, t'as pas perdu l'eau d'eau, mathalen. Est-ce que tu fais salat avec ton tayammum? Non. Tu refais l'eau d'eau. À ce moment-là. T'as trouvé l'eau. Ah, c'est fini. Donc ils disent, ça démontre que tayammum, c'est une permission. Sans quoi il pourrait continuer. Donc ça n'enlève pas la souillure, ils voient. Et Abu Hanifa et Daoud al-Zahiri et d'autres. Et une version selon de Ahmed, que le tayammum enlève la souillure. Et leur preuve, c'est le hadith de Jabir et de Huzaïfa, qu'on a pris au début du chapitre. C'est quoi? Le hadith de Jabir. « وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » Que la terre m'a été rendue comme lieu d'adoration et comme moyen de purification. « Tahour » on dit « tahour » à la wasfa'oul, c'est ce que tu utilises pour te purifier. Donc il dit « ça te purifie ». Et le hadith de Huzaïfa, « جُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا » Que sa terre, son sol, nous a été rendu comme moyen de purification. Quand même, tant qu'on ne trouve pas d'eau. Donc là, c'est quoi? Tahour, ça a été dit, le mot. Donc ça te purifie, ils disent. Car le prophète sallam a appelé le sol, on va dire la terre, Tahour. Tahour, c'est-à-dire que c'est juste qui te purifie. Ils ont pris également le hadith d'Abu Huraira. Le même que les autres. Que la terre est l'eau d'eau du musulman. Tayeb, s'il ne trouve pas l'eau. Donc il dit c'est quoi l'eau d'eau? L'eau d'eau, c'est une purification. Et donc, Chir, il voit que c'est ça la parole la plus juste. Que le tayammum, ça te purifier. Et que c'est également l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, Ibn al-Qayyim Sanani dans Subul al-Salam, Cheikh Sa'adi Rahimallahu Ta'ala, Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Uthaymin et bien d'autres. Par contre, comment ils ont expliqué pour pouvoir répondre aux autres? Ils ont dit quoi? Qu'en fait, le hadith, la souillure, l'Ihdath, il a juste été enlevé temporairement. Donc cela te purifie. C'est une purification temporaire. Tant que tu ne trouves pas d'eau, tu considères comme étant pur. Ça va? Ou pour qui ne peut pas utiliser l'eau également? Pour qui ne peut pas utiliser l'eau? Donc cela, donc on ne s'oppose pas. Vous voyez, avec les preuves du Jumhur. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec leur preuve, mais ils disent, ça te purifie, mais pour un temps. C'est quoi ce temps? C'est tant que tu ne trouves pas d'eau. Et ça, c'est ta aboudi. C'est pas lié à la raison, quoi. C'est ta aboudi. Quand même, tant que l'eau n'est pas là, tu es pur. Si l'eau n'est plus là, tu retrouves l'eau, tu réutilises l'eau. Après, Dimas Allah. Hal yashtarit il tayammum niya. Est-ce que la niya est conditionnée pour tayammum? Que réponds-tu? Naam, que réponds-tu? Tu dis que c'est tayammum, est-ce qu'il doit mettre une niya? C'est une question sur laquelle tu ne devrais même pas douter un instant. Tu n'as pas le droit de douter un instant de ce genre de question. Est-ce que tu mets une intention pour faire tayammum? Je ne sais pas si je vais me poser la question. Tu n'as pas compris la question? Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que tu as besoin de faire le niya pour faire le dos? Non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas obligé. Ah bon? Donc tu fais le dos, tu mouilles comme ça pour te laver, après tu fais un salat. Tu n'as pas mis le niya de ta tahir? Tu as le droit? Ouais. Demain je viens, j'ai chaud, je me rafraîchis. Je fais comme pour l'eau d'eau. Non, même pas. Je suis genou par exemple. Hein? J'ai chaud. Il y a un lac, je me baigne. Je ne mets pas de niais, je vais juste mettre une niais d'aller faire un peu de sport, je me rafraîchis. Je vais nager un peu, je me rafraîchis. Je sors. Je fais salade? Pourquoi? Je mets une niais de me purifier. Allez, voir. L'eau d'eau c'est pareil. Elle t'aime aussi une purification. Donc il y a besoin de. Sinon, tu viens, je frappe le sol avec la terre, je me moule, je me frotte le visage et les mains avec la terre, je m'en vais sans mettre de niya. J'ai rien fait. Je me suis mis juste à barbouiller. J'ai rien fait sinon. Non, faut que tu mettes une niya. Innamal a'malu bin niya. Donc, tes adorations, surtout celles-ci qui sont liées à purification ou autre, il faut une niya. Non, donc fais la niya. Et il a porté des paroles de plusieurs ulama là-dessus. C'est une chose que, à la base, c'est acquis pour le musulman. Après, il dit Mas'ala. Ma za yashtaritu li tayammum. Quelles sont les conditions requises pour le tayammum? Dans le hadith de Hudayfa, dans Muslim, c'est quoi? Si il ne trouve pas d'eau. Donc, absence d'eau. Tamam? Wa qala azza wa jal, wa in kuntum marada, aw ala safarin, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it, aw lamastumun nisa, wa lam tajidu ma, fatayammamu sa'idan tayyiba, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, inna Allaha kana ghafuran ghafura. Donc, dans le sens, Allah, il dit, si vous êtes malade, ou en voyage, ou que l'un d'entre vous viendrait des selles, ou que vous avez eu des rapports avec des femmes, et que vous ne vous trouvez pas d'eau, alors faites vos ablutions sèches, avec de la terre pure. Vous ensuyez, vous essuyez-vous-en le visage, ainsi que les mains. Et que cet Allah est pardonneur, grand pardonneur, rafoura, je ne sais pas comment on présente trois avec deux mots différents, mais c'est ça le sens. Donc là, dans le verset, qu'est-ce qu'on voit? Si tu es malade, ou en voyage, quand tu as perdu l'eau d'eau, en allant, par exemple, aux toilettes, ou avec des rapports, tu ne trouves pas d'eau, fais le tayammum. Donc, ces hadiths disent que parmi les chouroutes également, que tu aies recherché l'eau. L'eau, tu l'as cherchée. D'accord? Il a fait tout un bain par rapport à ça, mais, Inch'Allah, comme c'est un long et que c'est une chose qui est assez simple à comprendre, l'eau, faut que tu l'aies cherchée. C'est pas, tu viens au hammam, par exemple, tout le robinet, il n'y a pas d'eau, tayammum. Non, cherche, demande, enseigne-toi. Quand même. Par contre, si tu viens en un lieu où tu sais qu'il n'y a pas d'eau, c'est garanti. T'as pas à demander, t'as pas à chercher. Tu fais tes mômes direct. T'arrives en un lieu. Les gens te disent, il n'y a pas d'eau là. La salette. Et il y a un problème avec les canalisations, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. T'as pas à aller chercher. Tu fais tes mômes direct. Non, c'est le tu connais pas, tu viens, cherche de l'eau. Tu montes aux gens, c'est parce qu'il y a de l'eau, Kazaï, Kazaï, tu cherches de l'eau. Tu n'as pas trouvé d'eau, tu sais vraiment qu'il n'y a pas d'eau, tu as fait ton ishtihad autant que tu pouvais, tu as commencé à t'ortum, tu es mort. Et le malade, ça va venir plus tard, Inch'Allah. Le malade, le blessé, ça va venir plus tard. Bon, on va se contenter de ça aujourd'hui. Enfin, le dess, il est un peu long, on finit la deuxième partie demain, Inch'Allah. La femme, tu es mort. Tu es mort. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.